يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى أن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فجوة بين الشيخين وبين علي بن أبي طالب، وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا يطعن في خلافة عثمان. اللي يقول هذا معروف في كتبه، وهذا طعن في خلافة عثمان، وهي لوحة شيعية المذهب الشيعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب خلافة الفضيلة. عثمان رضي الله عنه خلافة حق، اختاره أهل الشورى والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وعهد إليهم عمر اختاروه وأجمعوا على ذلك، ورضي المسلمون بخلافته، فلا يطعن في خلافته إلا من هو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء أو أظل من حمار يعني. نعم. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. Dans ce document vous trouvez une fatwa de Cheikh Saleh Fawzan Hafidhullah, précédée d'un prélude extrait de ce qui s'appelle la Miyyat Cheikh Islam, où il exprime sa croyance. Dans cette croyance, il avait commencé par l'amour pour les compagnons. Et comme morceau central, nous avons choisi de traduire une fatwa de Cheikh Saleh Fawzan Hafidhullah, où il défend Uthman radiallahu anhu vis-à-vis de l'écrivain du nom de Sayyid Qutb, qui avait dénigré et bafoué ce calife. Par ailleurs, nous rappelons que cette parole d'égarement clair et saillant n'est pas la seule dans les livres de ce théoricien choyé des Ikhwan Muslimin. Il en a bien d'autres, touchant au livre d'Allah, qu'il avait comparé tantôt à de la musique militaire, tantôt à des représentations théâtrales, touchant à certains messagers comme Moïse et David, touchant à d'autres compagnons notoires comme Muawiyah ibn Abi Sufyan et Amr ibn al-As et bien d'autres, qu'Allah les agrée tous, touchant à des attributs d'Allah dont il fausse le sens, tahrif wa ta'til, puisqu'ils étaient ash'arit et qu'ils sont vantés même, touchant au sens de la ilaha illallah, puisqu'il faisait un amalgame entre le monothéisme de la seigneurie, tawhid al-rububiyya, et celui de l'adoration, tawhid al-ubudiyya ou al-uluhiyya. Touchant à la da'wa des prophètes, qu'il détourne de son sens véritable d'adoration d'Allah et de monothéisme en un sens de révolution et de conflit politique. Touchant à la croyance islamique, l'aqida islamiya, qu'il explique par la croyance de Wahdat al-Wujud et de Al-Hulul. Touchant à son verdict, comme quoi toute la Ummah serait apostate depuis bien des siècles, y compris ceux qui appellent à la prière al-Mu'azzinun, et que les mosquées de la Salat ne sont que des temples de Al-Jahiliya, de la période pré-islamique. Touchant aussi à des textes de l'islam et de ses règles qu'il ramène à l'idéologie perverse du socialisme débridé. Touchant à la sunna du prophète qu'il considère comme une simple pensée humaine sur laquelle il ne convient pas de s'appuyer ni de s'y fier. Touchant au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le considérant comme une création parmi d'autres, et non pas comme étant sa parole, c'est-à-dire un attribut d'Allah Azza wa Jal. Touchant à certains points de la croyance, comme celui de la balance, al-mizan, qu'il renie tout simplement. Touchant aux hadiths authentiques qui sont rapportés d'un compagnon à un autre, compagnon au successeur, et que ces troupes rejettent sous prétexte que c'est de l'information d'un seul, c'est-à-dire khabar al-ahad, et parfois ils rejettent des hadiths rapportés d'un groupe à l'autre et qui s'appellent al-khabar al-mutawatir. Touchant aussi au principe de l'hakimiyya qu'il prétendait défendre, alors qu'il autorisait aux humains de légiférer des lois afin de réaliser ce qu'il appelle une vie islamique saine, etc. Ce sont là quelques conclusions que nous rapportons d'après un des livres de Cheikh Rabi' al-Madkhali, intitulé « Al-Hadd al-Fasil bayn al-Haq wal-Batil », la ligne de démarcation entre le vrai et le faux. Revenons maintenant à la fatwa du Cheikh Salih Fawzan Hafidhullah. La question: qu'Allah vous comble de ses bienfaits, ô votre éminence. Et ce questionneur demande: que signifie le fait de dire que le califat de Uthman, qu'Allah l'agréé, était une fissure, une faille, une brèche entre les Cheikhains, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, et entre Ali ibn Abi Talib? Et est-ce qu'un tel propos est juste? La réponse de Cheikh Fawzan Hafidhullah: ceci est un propos faux. Ceci est une détraction à l'égard du califat de Uthman. Celui qui s'exprime ainsi est bien connu d'après ses livres, et ceci est bel et bien du dénigrement quant au califat de Uthman. Et c'est un chancre chiite provenant du dogme du chiisme. Le califat de Uthman radiallahu anhu est un califat de vérité. Les gens de la Shura, la consultation, la concertation, l'avaient élu. Ce sont des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et le salut soient sur lui, avait agréé avant sa mort, et que Omar avait désigné comme successeur. C'est alors qu'eux-mêmes avaient élu Uthman à l'unanimité, et les musulmans avaient agréé ce califat. Donc personne n'ose s'en prendre à ce califat, si ce n'est quelqu'un qui est plus égaré que l'un de sa tribu. Comme d'ailleurs Cheikh l'Islam l'avait exprimé, celui qui dénigrerait le califat de l'un de ses gens, c'est la preuve qu'il est plus égaré qu'un âne pour une tribu.